Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, a publié le 21 courant l'entretien titré « Suivons fidèlement le programme de la réunification de la patrie énoncé par le maréchal pour s'engager dynamiquement à la lutte colossale pour anticiper la réunification indépendante ». Il indique notamment « Le maréchal Kim Jong-un a présenté du haut de la tribune du 7e congrès du Parti Travail de Corée la réunification de la patrie comme la tâche la plus importante et urgente assignée à notre parti chargé du sort du pays et de la nation, et énoncer la ligne et l'orientation nouvelle pour surmonter les sérieuses difficultés et réunifier la patrie. Elle constitue le grand programme pour l'unité nationale permettant de réaliser le plus tôt possible la cause historique de réunification du pays, vœu de vie des grands leaders et aspirations de la nation, et le drapeau patriotique éclairant la voie patriotique, encourageant dynamiquement toute la nation à la cause sacrée. Toute la nation doit s'unir en transcendant les différences d'idées, d'idéal, d'opinions politiques et de croyances, et engager énergiquement la lutte pour réunifier la patrie pleine de confiance en la victoire, avec le point de vue et l'attitude immuable de régler tout pour notre nation et tout par la force de notre nation. Les autorités sud-coréennes doivent voir correctement notre volonté invariable et nos efforts sincères pour améliorer les rapports nord-sud et réunifier la patrie et abandonner ne serait-ce que maintenant la politique anachronique servile aux États-Unis et la chimère de confrontation fratricide. Si toute la nation s'efforce dynamiquement pour assurer la paix et réaliser le système fédéral sous le drapeau de l'indépendance et de la grande union nationale et prend des mesures pratiques pour améliorer foncièrement les rapports nord-sud, nous pourrons bel et bien écarter la sérieuse crise actuelle pour ouvrir le grand passage à la réunification indépendante du pays. Le prouve avec éloquence la réalité de l'époque du 15 juin qui avait animé tout le pays par le climat de la réconciliation nord-sud, de l'unité et de la réunification. Tous les Coréens du Nord, du Sud et d'Outre-mer doivent soutenir fidèlement la volonté patriotique pour la réunification du camarade Kim Jong-un, soleil de la nation et guide de la réunification du pays, afin de manifester parfaitement la puissance de l'esprit d'indépendance nationale et de la grande union nationale et de s'engager comme un seul à la lutte pan-nationale pour mettre un terme le plus tôt possible à la tragédie de division qui dure les siècles et fonder la puissance réunifiée indépendante et prospère.